Bonjour tout le monde. Si vous lisez si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous avez des problèmes de graisse accumulée du ventre. Je sais que vous n'êtes pas seulement intéressé pour perdre de la graisse corporelle et avoir un corps plus mince, mais que vous avez aussi un intérêt pour manger sainement et avoir plus d'énergie. C'est ce dont ce rapport, ce livre est question. Commençons tout de suite. J'ai trois questions à vous poser. Première question, savez-vous que les soi-disant grains entiers que vous croyez être bons pour votre santé peuvent en réalité vous faire prendre plus de graisse corporelle et vous rendre léthargique? Deux, savez-vous que d'autres aliments commercialisés comme étant sains, comme le lait de soja, la protéine de soja et d'autres produits transformés contiennent certains composés spécifiques dans votre corps qui peuvent causer ce que l'on appelle une résistance aux graisses abdominales. Troisième question. Savez-vous que certains aliments que vous pensez être malsains, comme les œufs entiers, peuvent réellement aider votre corps à brûler la graisse abdominale? Et oui, cela inclut de manger les jaunes. Laissez-moi vous expliquer. Dans ce rapport, je vais vous montrer quelques faits surprenants sur certains des aliments que vous mangez. Certains vous sont vendus comme aliments santé, mais vous font en fait accumuler de la graisse abdominale supplémentaire. Je vais également vous surprendre en vous apprenant quelques aliments que vous pensiez sans doute être mauvais pour la santé, mais qui peuvent réellement vous aider à brûler plus rapidement la graisse tenace du ventre. Je veux vous montrer quelques moyens utiles pour perdre de la graisse corporelle tenace et ne plus vous laisser berner par le marketing trompeur des conglomérats d'énormes producteurs alimentaires qui veulent que vous achetiez plus de leurs aliments transformés qui vous font grossir alors qu'ils vous calment que ces aliments sont bons pour votre santé. Mon nom est Mike Gurry, j'ai travaillé en tant que chercheur en nutrition. Je suis l'auteur de trois différents livres et programmes de nutrition et remise en forme, y compris le programme de renommée mondiale Tout sur les abdos. Je suis entraîneur personnel et spécialiste de la nutrition diplômé depuis plus d'une décennie. Pendant cette période, j'ai découvert quelques questions très importantes sur la façon dont vous êtes trompé par des grandes entreprises alimentaires et la façon dont ceci est à l'origine de votre prise de réserve de graisse abdominale supplémentaire. Je vous propose de télécharger mon livre, le lire attentivement et partager avec moi votre expérience, ce que vous en avez appris et tout ça. Merci pour votre attention. Entrez simplement votre email en bas de cette page, vous serez redirigé vers une page de confirmation. Merci.